à Jérémy, scène réaliste par Aristide Bruand. C'est en fourbi, pas vu, pas pris, mais vu Roussy. Ah oui, Roussy, quand on se fait choper. Et la prison, où les faire? C'est pas le stylo. Comment? Vous n'êtes pas encore prêt, pas trop tard. Vous faudrez peut-être un larbin pour vous aider à mettre un genre au dos. Attention, garde à vous. Ta gueule, chaloupe. Ça ne tient pas. Empilé de malheur. Silence. À droite, alignement. 6. Numérotez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est emmerdant. Dites donc, Codru. Est-ce que vous auriez envie de vous payer ma tête? De toute façon. Codru, vous aurez 4 jours avec le motif. Couleur carotte. Vous dites? Près de bris. Hé, ça ne vous gueule. Vous aussi, Pigo. Vous aurez 4 jours. Par le flanc droit, droite. En avant, barre. Bâton et vache. Et la petite balade sur comment? Jusqu'à midi. En plein soleil. Par 40 degrés de chaleur. Avec 35 kilos sur l'eau. Encore heureux qu'on peut boiler. Sans ça, on croirait en rouge. Hé, Codru. Et or? On y va du champ des camisards? Oui. Allons-y. Hop, debout, le clairon sonne dans le camp. Et partout les corps résonnent répétant. Une de la troupe joyeuse sous la voûte radieuse et sur la route poudreuse en avant. Répétons, allons-y, le refrain sans oublier. Vive l'amour et le vin, la danse, le joyeux festin. Et tout cela reviendra dans le diable. Mon Dieu, si frais soif, et frais si rien à boire. Comme d'habitude, parole de métier. Oh, Piribi, Piribi. Jérémy, c'est en Afrique, vous que le plus fort est obligé de poser sa chie et de faire le mort, vous que le plus malin désespère de faire chimie, car on peut jamais faire la paire à Jérémy, à Jérémy. On est sauvage, blanche et féroce, quand on n'a rien, si par hasard on fait un gosse, on se souvient, on aimerait mieux quand on se rappelle. On a subi, voir son enfant à la nouvelle Kabiribi, Kabiribi. Pour sûr qu'il voudrait mieux être à la nouvelle. Les Français sont plus heureux que nous. À Biribi, on est arrêtés comme des chiens. Et nourris comme des cochons. Oh, Biribi, Biribi. Savez-vous ce qu'il faut faire en ce lieu? Il faut tout voir et se taire, nom de Dieu. Nos chaouds qui sont des vaches nous emmerdent, nous attachent, mais sur leur sale gueule on trace quand on peut. Répétons, allons-y, le refrain sans souci. Vive l'amour et le vin, la danse, le joyeux festin. Oui, tout cela reviendra dans le diable.